La première question à se poser avant de dépasser est « Est-ce autorisé ?» Ici, la route est à sens unique, la ligne l'autorise. Mais ce panneau me l'interdit. Probablement que la circulation ne se fera que sur une seule voie un peu plus loin. En attendant, je reste où je suis. Réponse B.